Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Norman McLaren, grand maître du cinéma d'animation. Qui peut nommer un grand auteur de dessin animé ou un auteur de dessin animé, quel qu'il soit? Pourtant, il arrive très souvent qu'on nomme McLaren, on nomme Walt Disney ou McLaren. Associer les noms de Norman McLaren et Walt Disney, comme le fait le réalisateur Claude Jutras à l'émission L'Histoire comme ils l'ont fait en 1967, c'est à la fois quelque chose de très naturel, en même temps que de complètement saugrenu. Les deux hommes comptent en effet tous les deux parmi les plus grands maîtres du cinéma d'animation au 20e siècle, mais on peut dire en même temps que tout les oppose. Autant le cinéma de Walt Disney va contribuer à l'érection d'un véritable empire commercial, autant celui de Norman McLaren sera toujours tourné vers le côté de l'expérimentation. Né en Écosse en 1914, Norman McLaren émigre aux États-Unis en 1939. Mais deux ans plus tard, il vient au Canada et préside à la fondation de l'Office national du film avec son ami John Grierson. Le Canada devient sa seconde patrie. C'est à l'ONF que McLaren va créer tous ses films, qui ne dureront guère plus de 10 minutes chacun. Dès le début, McLaren va se distinguer du genre Walt Disney, qui caractérise la production nord-américaine de l'époque. Il va, par exemple, inventer une nouvelle technique en gravant à la main la piste sonore. C'était quelqu'un d'extrêmement secret. Il y a très peu de gens qui l'ont connu en personne, je pense. Frédéric Bach, qui a lui-même gagné un Oscar pour son film Crack, n'a rencontré McLaren qu'une seule fois, mais il reconnaît l'influence énorme de son collègue qui incarne à l'étranger le cinéma d'animation canadien. Il était bien plus connu que l'Office national du film. Il a fait de l'animation un art qui se range à côté de toutes les formes de création les plus extraordinaires, comme le ballet, la peinture ou la musique. C'est son film préféré, Voisin, qui lui vaut un Oscar au début des années 50. Il s'agit d'une parabole sur la guerre. McLaren y relate l'histoire de deux hommes qui se battent et meurent pour la possession d'une fleur. Avec ses 50 films et ses 200 prix, dont un Oscar et une Palme d'Or à Cannes, Norman McLaren a probablement établi un record qui n'est pas prêt d'être battu. Ici Claude Gervais à Montréal. Reportage de Claude Gervais présenté au Téléjournal le 27 janvier 1987, au lendemain de la mort de Norman McLaren. Pour nous parler de la vie et de l'œuvre de ce grand maître du cinéma d'animation, je reçois mon collègue chroniqueur cinéma à notre radio et à notre télévision, Michel Coulon. Michel, bonjour. Bonjour. Quelle place il occupe? Si c'est possible, en quelques secondes, de résumer cette immense place qu'il occupe dans l'histoire du cinéma d'animation. C'est un maître, un monument, une référence, quelqu'un qui, dès les années 30, parce qu'il a commencé ses premières expérimentations dans les années 30, s'est demandé comment on pouvait faire du cinéma avec rien du tout, parce qu'au départ, il n'y avait même pas de caméra. Donc, il a peint sur la pellicule, après quoi il va gratter, il va constamment chercher de nouvelles façons et il va laisser son empreinte à l'ONF. On le disait, il y est arrivé en 1941. On va lui demander de créer un studio d'animation rapidement. Donc, il va recruter à Toronto, recruter à Montréal. Et là, cette façon de faire de McLaren, qui est non pas d'être un homme de studio et de faire du dessin animé, comme Disney, par exemple, mais plutôt de travailler comme un auteur avec peu de moyens et dans l'invention, ça va s'imposer et devenir, et c'est encore le cas aujourd'hui, la marque de l'animation à l'ONF. Travailler dans l'invention, l'expérimentation, le défi technique. En préparant cette émission, j'écoutais Claude Jutras, un extrait qu'on n'entendra pas, mais il a travaillé avec McLaren et qui disait, c'était presque toujours, le point de départ d'un film de McLaren, c'était presque toujours un défi technique. Il cherchait. Ouais. Il s'aventurait. Sur un nouveau terrain. Il se demandait si ça allait fonctionner. Parfois, la piste ne menait nulle part. Ouais. Et à d'autres occasions, effectivement, il y avait un résultat qui le satisfaisait. C'est le cas des voisins, certainement, parce que là, il revenait de Chine. Hein, il est allé en Chine où il a formé, grâce à l'UNESCO, une douzaine d'artistes chinois. Il y a passé un an. Et c'était la guerre de Corée. Donc, il était marqué par cet événement. Et ce conflit, là, il s'est dit, avec deux cinéastes, Jean-Paul Ladouceur, Grant Monroe, comment on pourrait, bon, peut-être illustrer la chose. Au départ, c'était que des tests, mais il a planté dans un parc 200 blancs de maison, un bout de clôture, ouais. une fleur, et chaque matin, il se rendait sur les lieux et il se demandait effectivement, bon, comment poursuivre ouais. cette histoire, comment illustrer ses préoccupations. Et ce sera d'ailleurs la seule fois où, dans sa carrière, il va être au service d'un message. À la différence, hein, et on l'écoutait tout à l'heure, de Frédéric Bach, ouais. qui, lui, va consacrer son œuvre entière à un propos identitaire, écologique, ses préoccupations étaient à l'avant-plan. Dans le cas de McLaren, c'était esthétique, la musique comptait beaucoup pour lui, la danse, les chansons ce qu'il voulait expérimenter, les terrains ouais. sur lesquels il voulait s'avancer. Comment il en arrive à cette grande aventure du cinéma? On l'écoute, Norman McLaren, à l'émission Partage d'été au mois d'août 1965. J'étais un étudiant à une école de beaux-arts. Et j'étudie la peinture et le dessin. Mais il y a quelque chose pour moi qui manquait dans le dessin statique. J'ai devenu conscient du film. Et avec le film, je peux m'exprimer avec le mouvement. Et c'était le mouvement qui m'intéressait. Je voudrais faire un film que peut-être les singes s'intéresseraient parce qu'ils regardaient le mouvement, ils comprendraient le mouvement sans les mots. Alors, c'est son intérêt pour le mouvement au départ, Michel Coulomb, qui amène Norman McLaren à se tourner vers le cinéma. Comment ça se passe? Vous le disiez au tout début, il n'a pas de moyens, mais comment ça se passe, ses premières expériences au cinéma? Ben, d'une part, il faut dire que comme étudiant aux Beaux-Arts, il est venu à ce constat que la peinture était un art agonisant. Et il s'intéressait au cinéma soviétique, notamment Eisenstein, Pulovkin, et il a vu comment eux pouvaient juxtaposer des images. Le travail de montage l'impressionnait. Et à partir de là, il a voulu faire la même chose, travailler sur l'image. Mais sa volonté première était d'illustrer la musique. Il avait toutes ses musiques en tête et il voulait trouver ce dont il parlait, le mouvement, qui correspondent. Et donc, comme au départ, il n'y a vraiment pas d'argent, il va simplement peindre sur la pellicule. Il obtient de la pellicule vierge et puis il va y peindre. Il est encore en Écosse à ce moment-là. Oui, il est encore en Écosse. Après quoi, il ira à Londres. Il va aussi faire un peu de documentaire. Bon, on va lui procurer une caméra. Et c'est là que la rencontre déterminante de sa vie va se produire parce qu'il va faire un film et au jury, il y a un certain John Grier, donc le fondateur de l'ONF, celui qui l'a fondé en 1939, qui à ce moment-là s'occupe du studio cinéma de la Poste anglaise. Et il lui dit, viens à Londres, Monsieur McLaren, vous manquez de discipline, mais vous avez du talent. Ouais. Et donc, il sera invité à aller à Londres. C'est ce qu'il fera donc de 1936 à 1939. Là, il touchera un peu au documentaire encore. Par exemple, il fera de la caméra pendant la guerre civile en Espagne. Ah bon. Mais il fera aussi des films pour la Poste. Certains jugés trop audacieux. Il y en a un qu'on a jugé trop freudien. On n'a pas voulu le soutenir, le présenter. D'autres où il poursuit ses expérimentations parce qu'il va effectivement gratter sur la pellicule, essayer différentes technique, travailler sur le son, faire preuve d'audace tout au long de son travail. Et c'est par Grierson, donc, qu'il rencontre à Londres, qu'il se retrouve lui-même à l'ONF en 1941. Oui, à ce moment-là, il est à New York. Hein, il a quitté le Royaume-Uni à l'approche de la guerre, voyant qu'il ne pourrait pas y faire d'animation. Il fera des petits films qui sont acquis par le Guggenheim et Grierson fait appel à lui. Rapidement, en 1941, il fait un film pour la Poste canadienne, Postéto. C'est au système de ça qui fait en vitesse. Il fonctionnait bien avec les contraintes. Hein, ouais. C'est un cadre dans lequel il était quand même performant. Et là, il va aller vers d'autres expérimentations. À la fin des années 40, par exemple, Begone, Dull Care, ce film où il va illustrer littéralement la musique du trio d'Oscar Peterson. C'est sublime. C'est un chef-d'œuvre. Moi, je le voyais pour la première fois en préparant cette émission. Puis on va y revenir à l'importance qu'a la musique et à ce film. Mais vraiment, vous pouvez facilement le trouver sur Internet. C'est sur le site de l'ONF, comme plusieurs films de Norman McLaren. Caprice en couleur en français. Caprice en couleur en français. Et effectivement, parfois, quand il y a davantage de musique, l'image est pleine. Et là, c'est un délire de couleurs. Parfois, c'est quelques traits, quelques lignes. Par exemple, les percussions sont illustrées différemment. Ouais. C'est tout noir, apparaît un trait. On sent la musique, on la vit avec lui. C'était ça, son rêve, son projet de départ. Là, il y parvient de façon magistrale. Ouais, c'est vraiment magnifique. 49, donc, ce film-là, Caprice en couleur. Mais on revient à cet incontournable voisin, Les Voisins. C'est son premier grand coup d'éclat. Et ça se passe, c'est tourné, ce film-là, en 1953. Suivre son idée de toujours expérimenter, mais McLaren s'est dit, ben, puisqu'on anime des objets inanimés, pourquoi pas arrêter des objets inanimés et les animer ensuite? Mm-hmm. Ah, c'est ce qu'il a fait avec des personnes. Mm-hmm. Ce qu'il a fait avec Grant Monroe et moi. Mm-hmm. Il nous a mis dans une position d'immobilité complète. Mm-hmm. C'est-à-dire que la caméra ne fonctionnait plus à 24 images à la seconde. Pour ne prendre qu'une image à la fois. Mm-hmm. Et nous devions adopter une attitude prévue d'avance, selon les normes de l'animation, pour chaque image prise. Autrement dit, il vous tournait de face. Il prenait une image fixe, plus une autre image fixe un peu différente. Plus une autre. Et c'est ça qui créait le mouvement. Oui. Et c'est ça qui était si fatigant? Ben oui, vous, imaginez-vous un peu. Par exemple, bien, 24 images, on dit c'est rien, mais si vous avez, par exemple, à marcher de cette façon-là, bien, vous levez un pied d'un quart de pouce ou d'un pouce, on prend une image, vous le levez encore un peu plus, alors vous êtes figé dans une position à attendre que le cameraman prenne une image, plus une autre, plus une autre. C'est un travail athlétique presque autant qu'artistique. Claude Jutras, interviewant Jean-Paul Ladouceur, qui est l'un des deux voisins du film de McLaren, extrait de l'émission Cinéma canadien du 16 août 1961. On en a un peu parlé de ce film-là déjà. Michel, c'est un incontournable, c'est un Oscar en 1953. Monsieur Ladouceur a dû interrompre le tournage pendant une semaine. Il y avait un souffle au cœur et effectivement, tous les bonds qu'il fallait faire, ouais. Parce qu'on stabilisait des positions, donc les personnages sautaient, se bagarraient et tout ça l'avait épuisé. Jutras fera ensuite, il était une chaise avec McLaren qui avait... Qui est son autre grand film. Oui, qui avait utilisé donc McLaren des transatlantiques dans Voisins. Et il s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec une chaise? Alors, comme Jutras voulait travailler avec lui, Jutras est le co-réalisateur et le personnage, effectivement, d'Il était une chaise, musique de Ravi Shankar, quand même. Et là, c'est le rapport à un objet récalcitrant. Il fera ça plus tard, d'ailleurs, avec Opening Speech, un film dont il est lui-même le personnage, McLaren. C'est un micro qui ne veut vraiment pas répondre à ses ordres. Mais donc, dans le cas d'Il était une chaise, son idée, c'était que sa défense à lui, son intérêt à lui, allait pour la chaise plutôt que la personne qui s'assoit, parce que lui, il sera toujours du côté de ce sur quoi on s'assoit. Ouais. Il fera une tonne de films, il aura plein de récompenses, mais encore une fois, ces deux dont on a parlé, Les Voisins et Il était une fois une chaise, c'est vraiment ces deux films les plus, de loin, les plus célèbres, les plus connus. On a beaucoup, beaucoup déjà, depuis qu'on a entamé cette émission, Michel Coulombe parlait de son et de musique, parce que ça occupe une place fondamentale dans le cinéma de Norman McLaren. Je trouve une sorte de musique qui m'excite beaucoup. Je me dis, il faut faire un film pour cette musique. Alors, quel est le rôle des visuels en ce cas-ci? Pour moi, c'est d'exprimer l'esprit de la musique. C'est exprimer l'esprit par le mouvement. Parce que la musique, c'est une question de mouvement. Des sons. Et le film animé, c'est mouvement des formes, de temps en temps abstrait et de temps en temps figuratif, mais la qualité la plus importante pour moi, c'est le mouvement. Mon merle a perdu son bec. Ah? Mon merle a perdu son bec. Tiens! Un bec, deux bec, trois bec, Marlot! Comment veux-tu, mon merle, comment veux-tu, mon merle, chanter? Comme avait-il mon merle, comme avait-il mon merle chanté. Norman McLaren, interviewé en 1972, il y a beaucoup de choses dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Il y a d'abord cette musique de Scott Peterson. On a parlé de ce film déjà, ce chef-d'œuvre, ce bijou Big Gun Doll Care, Caprice en couleur, réalisé en 1949. Et à la fin de l'extrait, vous entendiez la chanson « Mon Merle » dont McLaren s'est servi pour son film « Le Merle » qu'il tourne en 1958. Quelle importance, on en a déjà parlé, mais c'est vraiment fondamental pour lui la musique. Pourquoi? Ben, c'est l'une des chansons d'ailleurs qu'il a illustrées, c'est pas la seule. C'est l'aviron qui nous mène, ouais. La poulette grise. Il a fait une série, en fait, oui, les chansons il s'intéressait au répertoire francophone traditionnel. Il part de la musique. Hein. C'est un homme qui a improvisé donc, une grande partie de son œuvre. Donc, les musiques, effectivement, étaient le point de départ. Et puis, ben, il voyait. Il a fait ça, par exemple, pour Blinkity Blank. Et là, bon, il a fait simplement un trait. Et puis, il s'est dit, ah non, ça va être ennuyeux parce que l'idée d'ennuyer l'obsédait. Et donc, il s'est mis à faire un oiseau. Et là, il se dit, tiens, il se passe quelque chose. Deux oiseaux. Ah ben là, il se passe vraiment quelque chose. Et il a développé un intérêt particulier pour les oiseaux. C'est une de ses obsessions. Oui, et il s'est rendu dans un poulailler où il a passé une journée. Au départ, dit-il, les poules l'ont vraiment rejeté. Après quoi, ben oui, elles l'ont accepté comme l'un des leurs. Ouais. Et il a pu observer leur comportement. Il disait que les poules, les oiseaux en général, étaient faciles à dessiner. On peut évoquer d'un ouais. simple trait et comprendre. Et comme il aimait ce minimalisme, hein, c'était une de ses caractéristiques, ben, ça lui convenait parfaitement. Ouais. Ça, c'est une de ses obsessions, tout ce qui tourne autour de la basse-cour du poulailler. Il y a vraiment quelques films qu'il va faire autour de ce thème-là. Une autre obsession, on en voit d'ailleurs quelques-unes de ses lignes géométriques, verticales, horizontales. On en voit quelques-unes dans le film Caprice en couleur. Ça aussi, il va beaucoup tourner autour du motif de la ligne, de la géométrie. C'est absolument formidable ce qu'il fait. Ligne verticale, donc, il trace une ligne hein, qui va du haut en bas de l'écran et tout. Il se dit que, bon, ouais, on n'ira pas très loin avec ça. Si on en faisait plusieurs, et là, il fait danser mm-hmm. des lignes, littéralement. Ça deviendra ce film Ligne verticale. Et puis, il se dit après, tiens, si on prenait le film et si on l'inversait. Et donc, on tourne à 90 degrés, ça donne ligne horizontale, le même film. Et là, on découvre la pesanteur, parce que ces lignes-là semblent flotter dans l'espace, là où elles balayaient l'écran. C'est tout à fait autre chose. Et avec Evelyn Lambert, il est allé plus loin, parce qu'il a souvent collaboré avec elle. Et là, il s'est dit, tiens, si on prenait les deux films et si on les projetait l'un sur l'autre. Ouais. Bon, là, ça donnait un certain fouillis. Il l'a reconnu et il a gardé que les points d'intersection des lignes verticales et horizontales. Ça donne mosaïque. C'est absolument impressionnant. Donc, il y avait chez lui un côté géométrique, un côté organisé. Il a littéralement travaillé avec des nombres, des additions, des soustractions. Donc, il jouait comme ça, avec un esprit ludique, un goût de divertir le public, un goût d'aller plus loin, d'essayer quelque chose qui n'avait jamais été fait, en se demandant toujours quelle serait l'étape suivante, ouais. jusqu'où on pouvait aller avec ses procédés, parfois en s'inspirant de ce qu'il avait vu ailleurs, parfois en étant effectivement celui qui est le pionnier ouais. et qui montre la voie. Ce que vous venez de décrire, c'est fabuleux parce qu'on voit le côté expérimentation, les lignes verticales d'abord, horizontales, le jumelage de tout ça, et ça nous montre un peu comment fonctionne la tête de McLaren, quelle est la démarche de McLaren. On a parlé de mouvement, on a parlé de musique. Inévitablement, quand on fait les additions, comme pour les lignes verticales et horizontales, on se retrouve à faire des films sur la danse. C'est un passionné de danse. C'est une fascination. Bon, on l'a dit, il est né en Écosse. Serait-il né à Londres? Il l'avouait, il serait devenu danseur. Il aurait été chorégraphe plus tard. C'est ce qui le passionnait. Et toute la fin de sa vie, à la fin de son œuvre, ça va de Pas de deux donc, jusqu'à Narcisse. Ce sont des films sublime, où on décompose le mouvement des danseurs. C'est absolument merveilleux. Là, il a fait un travail qui encore aujourd'hui demeure une source d'inspiration, où les mouvements des danseurs sont sublimés parce qu'on voit ce mouvement se déployer ouais. Sous nos yeux dans l'espace. Ouais. Parlons de son héritage, peut-être en soulignant d'abord qu'il a été célèbre de son vivant. On se précipitait. Il a tout remporté. Il a remporté des prix. 200 prix, ouais. quand même. Et c'était une vedette. C'était une à vedette. Sa manière. C'était bon, la vedette de l'ONF parce qu'il a effectivement été là pendant une quarantaine d'années. Ses films ont été reconnus. Et donc, on allait à l'ONF le voir. Louis Malle passait le voir. Indira Gandhi passait le voir. C'était une forme de monument devant lequel on s'arrêtait, on aimait avoir un contact avec lui. C'était un homme extrêmement affable, qui a été un homme de collaboration, donc il n'était pas isolé, mais il travaillait vraiment avec plaisir, avec différentes personnes, se laissait imprégner de ce qui se passait ailleurs, mais plein de gens connaissaient son cinéma un peu partout. Même aujourd'hui, on peut penser, hein, il est mort dans les années 80, que ouais. C'est lointain. Pas du tout. On a vu des spectacles, par exemple celui de oui. Lemieux Pilon, inspiré de son travail. Des artistes qui ont fait des projections sur les façades de Montréal, des artistes d'un peu partout reprenant son œuvre et la sublimant mm-hmm. sur les façades de Montréal. Mais par exemple, Michel Gondry, cinéaste franco-américain, admet, avoue, que Norman McLaren est l'une de ses grandes sources d'inspiration parce que c'est un cinéma qui parle à tout le monde. Ouais. Et qui parle pas à tout le monde avec les mots. Hein. Lui, la parole, c'était pas son truc. Bien sûr, les chansons, mais autrement, c'est le mouvement, c'est la danse. Et ce sentiment qu'on découvre de voir l'œil qui entend et l'oreille qui regarde. Ouais. C'est une expression qu'il utilisait. Et effectivement, on a cette symbiose de l'image et du son qui est particulièrement réussie dans son travail. Il nous laisse une démarche, il nous laisse de grands films, il nous laisse aussi... c'est plus technique, mais on n'a pas, par exemple... C'est un inventeur, c'est un pionnier. On n'a pas, par exemple, explicitement parlé de pixelation, mais c'est important. Oui. Mais il va c'est lui qui invente ça. Qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce que ça change au cinéma d'animation? La pixelation, c'est simplement en fait ce qu'il a fait dans le cas des voisins, utiliser des hommes, dans ce cas-là, comme des marionnettes, oui. hein, en prenant le mouvement puis en faisant de la capture de mouvement comme si on travaillait avec du papier découpé. Ce qu'il va faire aussi. Hein. Donc, son innovation, elle est sur tous les terrains. Par exemple, et ça donne des choses toutes simples, le film « C'est l'aviron qui nous mène » donne l'impression qu'on avance dans un canot. Hein. « C'est l'aviron qui nous mène ». Et c'est donc une série d'images qu'on verrait se déployer devant nous. En fait, ce sont des fondus enchaînés. Et lui, Norman McLaren, tout simplement, a fait donc une pointe de canot, une tête de canot qu'il tenait comme ça devant le paysage qui se déployait à l'arrière et le bougeait un peu et on avait l'impression du mouvement. Ce sont toujours des choses très simples. Il y a des gens qui ont innové, mais avec des moyens technologiques sensationnels, ouais. exigeants, coûteux. On le voit avec les expérimentations qu'on peut faire avec les ordinateurs, les ouais. images de synthèse. Lui, c'était minimaliste, c'était souvent surréaliste, c'était au service de l'émotion. L'artisan. Et il y avait l'artiste. Chez lui cet esprit d'artisan qui demeure à l'ONF en animation aujourd'hui, l'esprit de la maison. Ouais. Cette esprit-là est incarné parfaitement par Norman McLaren. Michel Coulombe, chroniqueur cinéma à la radio et à la télévision, artisan à votre manière, co-auteur, je le rappelle, du Dictionnaire du cinéma québécois. Merci beaucoup, Michel. C'était un plaisir. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Marie Caillé, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Christian Côté et Philippe Couture, à la technique aujourd'hui Pierre Lévesque. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.